tu nous demandes dans ta parole de ne pas nous inquiéter et de te faire connaître en toutes choses nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous ne comptons pas sur nos mérites, mais sur ta grâce. Tout ce qui est nasi boit. Tu n'as inu amikonozetu. Ele é aqui, te que água que a gente. E tá dizendo, tu não é à toa, boa. Na tu na romba, na imagem. Fungo ambingo, boa. Notre prière, Seigneur. Dieu des cieux, exauce-nous. Et pour la pluie de ta bénédiction. Toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. toi qui souffres, voici ma prière pour toi. Les médecins ont peut-être échoué, mais que Jésus te guérisse. Qu'importe la maladie que tu as, qu'importe le problème que tu as, je veux que le Seigneur intervienne dans ta vie, que la situation que tu traverses change, que tes pleurs se changent en rires, que les temps d'échec soient des années passées, que tu commences une nouvelle saison. Il est écrit que ce pas, c'est même plus sûr que nous avons la guérison. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur nous. Alors reçois ta guérison. J'annule toute condamnation qui pesait sur ta vie. Reçois ton miracle. Que ce problème que tu as trouvé une solution. Qu'un nouveau vent souffle dans ta vie. Oh, qu'une saison de témoignages s'inscrive dans ton quotidien. Je te déclare béni, je te déclare guéri, je te déclare prospère. Alors bien-aimé, tu n'es plus malade, tu n'es plus lié, tu es libre. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez libre.